travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Un préfet, c'est le délégué du gouvernement dans une circonscription donnée et le chef de l'administration dans cette circonscription. Et l'ami, c'est l'ami de sa région ? Du moment que c'est un chef de l'administration, il veut bien administrer sa région ou son département, il doit être l'ami de sa circonscription. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La nouvelle a frappé les esprits. Le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer la suppression du corps préfectoral. Une décision qui se situe dans la droite ligne d'une volonté proclamée par Emmanuel Macron, celle d'une évolution de la haute fonction publique vers plus d'ouverture au reste de la société et vers plus de souplesse dans l'évolution des carrières. On se trouve là en proximité avec la fin décidée de l'École nationale d'administration que le général de Gaulle avait fondée à la Libération. Supprimer le corps préfectoral, ce n'est pas évidemment supprimer la fonction des préfets et aujourd'hui des préfètes. Ils continueront de représenter la puissance publique centrale dans les régions et dans les départements de France. Mais ils ne seront plus inscrits pour toute leur carrière dans un ensemble administratif pérenne qui leur garantisse à la fois un statut particulier, un titre durable et une situation protégée, qu'ils soient ou non en poste, contre les aléas et contre les soubresauts de la politique. On comprend qu'ils n'éprouvent pas cette évolution sans inquiétude, comme une diminutio capitis, impliquant le risque d'une politisation accrue des nominations, autrement dit un retour en arrière à cet égard, vers le long XIXe siècle. Voilà bien un événement qui incite, pour qu'on en situe mieux la portée, à remonter jusqu'à l'origine de la préfectorale, au temps du consulat. Nous allons y pourvoir grâce à la compétence de Pierre Carilla Cohen, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rennes 2. Il vient de s'attacher dans un livre qui tombe à point à éclairer à partir d'une profusion d'archives la manière dont les préfets ont pu incarner l'État, en bien ou en mal, sur toute l'étendue du territoire national depuis qu'ils sont apparus par la volonté de Napoléon Bonaparte. Et pour commencer, nous allons entendre Émile Bollaert, président de l'Association des fonctionnaires de l'intérieur, lors du banquet des préfets qui s'est tenu le 25 février de l'an de grâce 1947. Nous ne pouvons, monsieur le président du Conseil, messieurs les ministres, remplir notre mission qu'en nous sentant investis de la confiance, non pas seulement de monsieur le ministre de l'Intérieur, mais de tout le gouvernement, de la vôtre, monsieur le président du Conseil, de la vôtre, messieurs les ministres. Et c'est avec l'espoir de nous montrer dignes de cette confiance, de ne pas décevoir les espérances que vous avez fondées sur nous, que, prenant à témoin toutes les hautes personnalités et les membres de la presse qui ont bien voulu si aimablement répondre à notre invitation, nous vous assurons tous, messieurs les ministres, de notre entier dévouement. N'hésitez donc pas à vous servir de nous. Mettez-nous à l'épreuve, et c'est ainsi que vous obtiendrez cette unité dans l'action, cette rapidité dans l'exécution et, pour tout dire, cette efficacité qu'appelait de ses voeux récemment monsieur le président du Conseil. C'est ainsi qu'étroitement unis à l'œuvre de salut national qu'a entreprise le gouvernement, animés par le zèle que nous entendons apporter au relèvement du pays, nous atteindrons le but que nous nous sommes assignés en abraçant la plus belle des carrières, en choisissant le plus beau des métiers, à faire chaque jour et aimer un peu plus la France et la République. Pierre Carilla Cohen, bonjour. Bonjour. Je viens de vous faire entendre un propos d'Émile Bollaert, donc, qui était un préfet très éminent. Il avait une belle carrière déjà sous la Troisième République. Il a été un grand résistant. Il a été commissaire de la République après la libération de la France. Et il s'exprime là devant le gouvernement tout entier, dont Paul Ramadier, président socialiste du Conseil. On est au tout début de la Quatrième République. Vous imaginez qu'un propos de ce genre un peu emphatique aurait pu être tenu au début de la Troisième République ou à l'époque de la Restauration ? Oh oui, tout à fait. Enfin, il y a peut-être des différences dans la conscience que le corps préfectoral a de lui-même. Mais les principes qu'évoque Bollaert dans cet extrait sont des principes qui relèvent de la longue durée de l'institution. On retrouve en fait les objectifs qui avaient été mis en avant au moment de la création des préfets en l'an 8. La question de l'unité dans l'action, de l'efficacité. C'est vraiment la création des préfets en l'an 8. C'est une mesure d'ordre pour remettre de l'ordre dans une France qui a connu 10 ans de révolution. Ça fait partie des grandes réformes du consulat. Juste après le coup d'État de Brumaire, en fait, quelques semaines après, en février. Exactement. 1800. Alors c'est vrai, c'est une mesure d'ordre et de police. C'est une mesure aussi destinée à trouver un moyen d'administration qui permette au premier consul de gouverner comme il l'entend. Ce qui interroge d'ailleurs sa longue durée finalement, puisque cette fonction a été créée au sein d'un régime qui va être de plus en plus autoritaire. On cite toujours deux propos de Napoléon à propos de cette loi de Pluviose en 8. Premier propos, je veux que les Français datent leur bonheur de la création des préfets. Deuxième propos, vous voilà préfet, il s'adresse à eux. Vous serez un pacha et vous aurez plus de pouvoir que moi à Paris. Qu'en pensez-vous ? Ça participe d'une image qui a été une image à la fois valorisante dans certaines bouches et dévalorisante dans d'autres que de croire que le préfet était un être absolument tout puissant. On a parlé d'empereur au petit pied plus tard. Le terme de pacha est souvent utilisé, celui de satrape aussi, toutes les variations, on va dire, du despote oriental. En réalité, et ça a été vu notamment sous la plume de Vincent Wright et Bernard Leclerc. Il y a 50 ans à peu près. Oui, c'est ça. En réalité, les préfets voient leur pouvoir limité de diverses manières. Et surtout, c'est l'immense différence qui existe entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est un ensemble de prérogatives institutionnelles qui sont immenses, effectivement, et qui, quel que soit le régime en place, ne bouge pas tellement. Enfin, il y a des moments de croissance de ces prérogatives et des moments où des formes de contre-pouvoir sont mises en place pour contrebalancer celui du préfet. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la question de l'autorité, c'est-à-dire de la légitimité. Il y a un mot qu'on utilise énormément actuellement, qui est l'acceptabilité. En temps de Covid, on n'entend parler que d'acceptabilité. Et de crise de l'autorité aussi. Voilà. Aussi, ça, c'est une antienne qu'on entend depuis la Révolution française. C'est toujours sur le thème, c'était mieux avant. Exactement. Une continuité absolue. Exactement. Et d'ailleurs, au début du XXe siècle, les préfets se plaignent en disant, mais qu'est-ce que c'était mieux avant d'être préfet sous l'Empire que maintenant où on est embêté par les parlementaires, etc., etc. La question, c'est celle de réussir à enraciner les régimes qui se succèdent, et ils sont nombreux au XIXe siècle. Et donc l'autorité, c'est quoi ? C'est d'essayer de plaire, c'est d'essayer de gagner les sympathies. C'était vraiment l'expression qui était utilisée en permanence. Et donc cette béance entre le pouvoir et l'autorité est précisément ce qui m'a intéressé là, pour essayer de faire cette histoire, la voie sociale et culturelle des préfets. C'est-à-dire à la fois la réalité de leur manière d'agir et de leur manière de peser sur le destin collectif et l'image qu'ils n'ont pas cessé de créer alentour, quelquefois très positive et souvent nous le verrons dans la littérature dépréciative. Oui, effectivement. Alors il y a toutes sortes de préfets, toutes sortes de variations dans l'exercice du rôle de préfet, mais malgré tout il y a des lignes de force. Et la ligne de force, c'est vraiment de plaire à un ancien préfet qui a écrit un magnifique manuel des préfets et des sous-préfets en 1851. Pidon. Vatard des Aubiers, donc il est pas très connu, il a pas une carrière préfectorale flamboyante, mais il a écrit un petit livre merveilleux qui est une sorte de vade-mecum pour le préfet ou le sous-préfet qui arrive dans son ressort, afin de lui expliquer en gros les gaffes qu'il ne doit pas commettre et tout ce qu'il doit faire, aller visiter les notabilités, savoir se comporter lors de la première visite des autres autorités militaires ou judiciaires. Donc il y a tout un effort à faire de conquête. Vraiment le mot qui résume la tâche des préfets au 19e siècle, peut-être encore aujourd'hui, c'est la conquête. Beaucoup plus au 19e parce qu'il s'agit de construire l'État, il s'agit aussi à chaque régime d'essayer de convaincre les notables, les élites départementales et plus tard aussi l'ensemble de la population qu'il s'agit d'un excellent régime et qu'il convient cette fois de cesser d'en changer. Cette histoire, en somme, c'est l'histoire de l'invention d'un rôle par les préfets, avec la double donnée de la subordination au ministre, presque pérennité à cadavre, possibilité de révocation ad nutum à n'importe quel moment. Et d'autre part, une autorité très, très grande, lorsqu'elle est conquise par le préfet, une autorité déléguée par l'État central. Et dans une nation qui reste très jacobine, très centralisée, plus que ses voisins, cela compte et cela pèse. Oui, il y a centralisation, mais il y a, dans cette recherche de popularité, c'est un mot qu'on trouve sans arrêt lorsqu'il est question des préfets, aussi bien dans la presse que dans leurs mémoires, dans cette recherche de popularité, il y a une forme de compensation à cette verticalité du pouvoir. C'est-à-dire que les différents régimes, même lorsqu'ils sont plus libéraux ou plus démocratiques, maintiennent cette institution très centralisatrice, héritière d'un régime autoritaire, mais la compense d'une certaine manière par la recherche de l'adhésion. Alphonse Allard, qui était le grand historien de la Révolution française fin 19e, début 20e, parlait du régime de Napoléon en expliquant qu'il avait voulu fonder une dictature de la persuasion fondée sur la popularité. Eh bien, les préfets, c'est exactement ça, en tout cas au 19e siècle et pendant de longues décennies encore du 20e siècle, tant qu'existe, on va dire, une France provinciale à la Balzac puis à la Simenon, avec des petits chefs-lieux de préfectures, d'arrondissements. Et donc cette notion de popularité est une notion très importante qui vient donc, en quelque sorte, nuancer, compenser la centralisation et la verticalité du pouvoir. Pouvoir, oui, et en même temps dépendance constante qui vous pousse à vous attacher à étudier les enquêtes et les notations, Pierre-Carilla Cohen. Oui. Et quant au fait qu'on peut être évoqué n'importe quand, alors on peut s'appuyer sur une fameuse lettre de Napoléon au préfet du Var, Napoléon devenu empereur. Je vais vous le faire entendre et ensuite un reportage sur le remplacement d'un préfet, Jean Charbonniaud, au temps de Sarkozy. Vous verrez que l'archive est en soi explicite. Lettre de Napoléon au préfet du Var. J'apprends que des incendies viennent de se déclarer dans les forêts du département dont je vous ai confié l'administration. Je vous ordonne de faire fusiller sur le champ les individus convaincus de les avoir allumés. Au reste, s'ils venaient à se renouveler, j'aviserai à vous donner un remplaçant, Napoléon. C'était André Miquel qui lisait cette lettre. On doit préciser qu'elle est parfois considérée comme controuvée, comme forgée, qu'elle n'est pas absolument sûre que cette lettre a existé. Mais enfin, c'est non è vero et ben trovato. Oui, enfin, c'est un peu expéditif. Je ne suis pas sûr effectivement que de tels ordres aient été donnés. Fusiller les pyromanes. Voilà. C'est sans doute efficace, mais ça n'est pas très... très moral, c'est certain. Et maintenant, ce reportage sur la manière dont un préfet a été très brutalement, à Saint-Lô, révoqué. Nicolas Sarkozy avait choisi Saint-Lô pour venir présenter ses vœux aux enseignants. Saint-Lô, petite préfecture de province, 20 000 habitants. L'Élysée espérait ainsi limiter l'impact d'éventuelles manifestations. Mais les manifestants étaient plus nombreux que prévu, 3 à 4 000, et surtout très déterminés à se faire entendre. Pas de gros incidents, mais concert de sifflets à l'arrivée du chef de l'État. Bain de foule impossible, et pendant le discours, tout le monde dans la salle pouvait entendre les manifestants en même temps que le président. Ce qui était avec Nicolas Sarkozy à ce moment-là le confirme. Le chef de l'État s'est montré très irrité, mettant en cause le préfet et son directeur de la police. Alors est-ce que vraiment les forces de l'ordre ont failli à leur mission? Ce qu'on peut dire, c'est que les policiers étaient présents en grand nombre ce jour-là. Un périmètre de 250 mètres avait été mis en place. Aucun manifestant n'a pu franchir les barrières, ce qui fait dire à bon nombre d'observateurs que le préfet a fait son travail correctement. Quant au bruit et au sifflet, il était, on peut le dire, impossible de les éviter. Il aurait fallu pour cela boucler la totalité du centre-ville de Saint-Lô. Sébastien Berriot, France Bleu Cotentin pour France Inter. Cet épisode a frappé évidemment, a frappé l'opinion, en tout cas les préfets, et a rappelé à quel point ils étaient dépendants du ministre. C'est déjà Chaptal, le rapporteur de la loi de Pluviose, qui disait, savant Chaptal, le préfet ne connaît que le ministre, il ne discute point des actes qu'on lui transmet, il les applique, il en assure l'exécution. Oui, c'est un pur représentant, vraiment un représentant dans toute la force du mot représentation. Ça veut dire également qu'il ne doit pas prendre d'initiative par lui-même qui soit désagréable au ministre. Et dans les premières circulaires adressées par Lucien Bonaparte, le frère, donc, au préfet en l'an 8, il y a vraiment une injonction à ne pas interpréter de manière personnelle les lois qu'ils doivent faire appliquer. Donc cette notion de représentation, il faut la comprendre à la fois dans la plénitude du mot, mais aussi comme une limite au pouvoir du préfet. Comment définiriez-vous les principales fonctions du préfet ? Il y a le maintien de l'ordre ? Oui, le maintien de l'ordre, bien sûr. Le chef, Monsieur Charbonneau, n'y a pas suffisamment pourvu aux yeux du chef de l'État. Oui, sans doute. Enfin, dès les années 1830, Mérimée notait dans une lettre qu'être préfet, c'était exercer un métier de galérien, parce qu'on ne pouvait à tout moment être critiqué, aussi bien dans la presse, qui commence à se développer à ce moment-là, que par les ministres. Donc, le maintien de l'ordre, bien sûr, mais l'application des lois dans tous les domaines. L'histoire préfectorale, c'est l'histoire de la France. Quand vous avez visité les archives départementales ou nationales, tous les sujets, que ça soit les sujets économiques et sociaux plus tard, à la fin du 19e, au début du 20e, les grands sujets politiques, la surveillance de l'opinion, de l'esprit public, tout ce qui concerne les épidémies également, puisque nous sommes en plein dans cette actualité. Enfin, tout ce qui se passe est sous la responsabilité des préfets. La modernisation en particulier des campagnes, l'arrivée de l'eau courante, l'électricité, le téléphone, etc. Oui, il y a eu de grands préfets modernisateurs dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, par exemple Bourgeois de Gestin dans la Marne au début du 19e siècle qui a introduit l'élevage des moutons mérinos, puis plus tard des préfets de la monarchie de Juillet, du Second Empire, qui se sont attachés à la construction des chemins vicinaux, à celle des chemins de fer, plus tard sous la République, la modernisation aussi dans les rapports sociaux. Un grand préfet de la Troisième République, Gabriel Alapetite, était un des premiers à faire s'asseoir autour d'une même table à la préfecture des ouvriers en grève et des patrons des charbonnages pour essayer de trouver une convention pour faire cesser une grève. Donc vraiment, le préfet est responsable de tout et il est tenu responsable de tout. C'est sa grandeur et son malheur. Eh bien, je vais vous faire écouter la manière dont un préfet au mi-temps du 20e siècle, le préfet de Seine-et-Oise, Armand Zivès, commente sa journée de travail. On est en 1948. Et vous me direz, Pierre Carrella-Cohen, si cette manière d'organiser son temps est très différente de celle qu'aurait pu définir un de ses prédécesseurs au 19e siècle. La journée de travail a bien duré 13 ou 14 heures. Commencée ponctuellement à 9 heures, elle a débuté par une douzaine d'audiences où les doléances s'ajoutaient aux réclamations, où je n'ai pas enregistré énormément de compliments. Ce fut ensuite l'examen de la presse locale, du volumineux courrier comprenant des instructions ministérielles, des circulaires, des interventions, des lettres diverses. Tout cela agrémenté de multiples communications téléphoniques. Il s'en est suivi une courte conférence de chefs de service et un très rapide déjeuner. À 2 heures, j'ai dû aller visiter un établissement hospitalier. Au retour, dicter du courrier, présider ensuite une commission, et il y en a quelques-unes. Et avant d'aller assister à une fête de bienfaisance, j'ai signé le courrier du soir, tout en avalant un bouillon et en grignotant une banane. Le bouillon et la banane, Pierre et Carilla Cohen. Ce récit est à la fois fidèle à la journée, aux journées des préfets du 19e siècle et s'en éloigne également. En quoi s'éloigne-t-elle? On voit bien que le préfet, là, est entouré par une petite équipe, que son administration s'est étoffée, qu'il y a une forme de professionnalisation dans le travail qu'il doit assumer. Un certain nombre de préfets du 19e siècle étaient peut-être, en tout cas du début du 19e siècle, étaient parfois un peu plus dilettante, ceux qui exerçaient mal le rôle. D'autres étaient des gros travailleurs, comme ce monsieur, un siècle plus tard, et effectivement pouvaient accumuler des heures et des heures de travail dans des termes qui sont relativement semblables entre la modernisation économique, les fêtes de bienfaisance, le fait de recevoir en audience certains administrés, de préparer des dossiers, de recevoir la correspondance ministérielle. Dès le consulat et l'empire, c'est le règne de la correspondance avec des centaines et des centaines de lettres, de circulaires, de demandes de précision qui sont envoyées au préfet, au sous-préfet. C'est vraiment le règne de la paperasse, pour reprendre le terme d'un anthropologue américain qui s'appelle Kafka, ça ne s'invente pas, mais Ben, et non Franz. Et donc, ces volumes de papiers sont absolument impressionnants, et ils sont aujourd'hui, on en a le témoignage tout simplement, et l'historien, en tout cas, date son bonheur du règne des préfets, parce que il a une masse et une masse et une masse d'archives sur à peu près tout, qui correspond à cette correspondance aller et retour, entre Paris et les départements, entre la préfecture et les sous-préfectures, avec les autres autorités. Donc, cette dimension du travail préfectoral, qui est la dimension de l'écriture, de la réception des rapports, de la réponse, c'est quelque chose de très important, et ça fait partie de son travail au quotidien. Depuis l'origine de la préfectorale, les préfets sont soumis à des enquêtes de toutes sortes, des observations venues d'en haut, et parfois d'en bas, puisque les parlementaires aiment bien s'exprimer, notamment sous la Troisième République, sur les préfets qu'on leur envoie. Puisque vous trouvez, nous dites-vous, votre bonheur dans l'exploration de ces innombrables archives, vous y avez déniché des formules qui sont peut-être d'époque, de Napoléon, mais qui peut-être pourraient, des termes plus contemporains, se retrouver aujourd'hui. Un tel est décrit en 1806 comme « sage, juste et modeste ». Il est aimé et considéré dans son département. Ou encore « moins instruit qu'il ne convient à un ancien curé ». L'opinion, on ne nommerait plus aujourd'hui de curé préfet, je crois, à moins que le nouveau système qui permet d'élargir le recrutement y conduise. Nous verrons. Renaud Dépercy, préfet des Vosges, est démis en avril 1953. Il est considéré comme très vulgaire, ce qui expliquait qu'il n'avait ni force, ni considération, ni influence. Et on ajoute, ça c'est un effet rédhibitoire, « Monsieur Dépercy a épousé sa domestique et c'est là, pour un préfet, un embarras capital ». La surveillance, non seulement des compétences, mais du comportement personnel des préfets, des sous-préfets, était une donnée très importante pendant le 19e siècle que j'étudie. Il doit être toujours surveillé certainement. Par le regard de tous, il accepte cette situation. Oui. L'œil de l'opinion donc s'exerce sur le préfet, le sous-préfet. Balzac disait que le sous-préfet vit dans une maison de verre dans le chef-lieu d'arrondissement. Il vit perpétuellement sous l'œil du public. Exactement. C'est bien là l'intérêt de voir cette histoire préfectorale à travers le prisme du rôle, la question du rôle. Le rôle, c'est un ensemble d'actions, un type de comportement qu'une institution attend de ses agents. Mais ce rôle, il est construit non seulement par l'institution elle-même, mais aussi du dehors par le public. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, en montrant une très grande convergence entre les attentes institutionnelles venues d'en haut, les feuilles de notation auxquelles étaient soumises les sous-préfets, et puis en même temps, c'est le même type de comportement, la modération était attendue dans la presse locale. Alors la presse locale, c'est très important, parce qu'effectivement, elle est lue aussi à Paris, et elle reflète continuellement l'image que le préfet a pu acquérir en bien ou en mal dans son département. Elle est si bien lue à Paris qu'on la retrouve découpée dans les dossiers de carrière des préfets, des sous-préfets. Et c'est généralement comme ça, plutôt que de faire une recherche très minutieuse dans la presse du 19e siècle et très longue, même s'il existe aujourd'hui d'excellents moteurs de recherche, qu'on tombe immédiatement sur les éléments de la presse locale qui concernent les préfets, les sous-préfets, parce que au ministère, on s'emploie à découper ces choses-là, ou bien le sous-préfet, le préfet qui est objet d'éloge, bien sûr, va envoyer ces extraits là-haut. Pourquoi est-ce qu'il les envoie ? Parce que il est sans arrêt évalué. Cette institution des préfets, c'est l'institution d'un homme d'ordre, mais cet ordre ne va pas sans cette recherche de popularité. Donc on cherche sans arrêt à voir, même sous Napoléon, si le préfet est bien accepté par les élites locales, par les élites départementales. Et donc dès l'an 8, dès le consulat, et puis ça se poursuit sous l'Empire, vous avez une série d'enquêtes qui cherchent à voir si le préfet est aimé, apprécié. S'il a le physique de l'emploi, expliquez-nous ça. Ça, c'est un peu plus tardif. Ça vient dans les évaluations régulières qui sont mises en place plutôt à partir de la monarchie de Juillet. Et c'est sous le Second Empire, surtout, puis la Troisième République, que des rubriques dans les feuilles de notation des sous-préfets évoqueront le physique, la santé, d'éventuels handicaps. Il y a des dictionnaires biographiques des préfets où on trouve toute une série de portraits. Un tel étant décrit, c'est le baron Séguier, préfet du Nord, comme petit, grêle, ayant la réserve grave d'un lord anglais et l'air ennuyé d'un jockey de bonne famille. Un autre dans l'Aude, le roi, est long et maigre, il a des cheveux rouges et une voix de sonnette mal graissée. Quand il ouvre la bouche, on croit toujours qu'il va en sortir le grand air de Guillaume Tell, pris sur le mode aigu avec des variations imaginées par un luthier de Mirecourt. Alors là, les dictionnaires que vous lisez sont des dictionnaires écrits par des conservateurs anti-républicains qui attaquent les préfets de la République, qui les attaquent vraiment de manière très cinglante et très ironique, comme vous le voyez. Alors c'est assez drôle à lire comme cela. Mais le physique est aussi une préoccupation de l'institution elle-même. Et donc, dans les feuilles d'évaluation, il est important pour un sous-préfet de voir noter son physique comme agréable. Il n'y a pas de description très détaillée du physique de ces sous-préfets, que ce sont les sous-préfets qui sont évalués dans ces feuilles de notation, c'est pour ça que je parle des sous-préfets et non des préfets, ces sous-préfets doivent avoir ce physique agréable. Agréable, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut recouvrir? C'est à la fois un physique et un comportement, c'est l'idée d'une ouverture. J'ai noté dans mon ouvrage que ce qui se mettait en place, c'est une forme de physiognomonie indirecte, c'est-à-dire que non seulement le moral se reflète dans le physique, mais que c'est le moral de l'État qui se reflète dans le physique de ses préfets, de ses sous-préfets. Donc le physique agréable est une sorte de façade, pour reprendre un terme à Goffman, une sorte de façade de la République ou de la monarchie. Il s'agit d'être ouvert, empathique, agréable, sympathique, voilà un autre mot. Donc l'inverse, ce qu'on trouve parfois comme critique, dans certaines feuilles de notation, c'est physique ordinaire. Alors, ordinaire, là aussi un mot très ordinaire, qui est très banal, on peut se demander ce qu'il recouvre. Dans beaucoup de cas, finalement, ce physique ordinaire est un mot un peu codé qui relève du mépris de classe. Je vois que l'un d'entre eux est décrit comme boitant un peu, il boite un peu. C'était arrivé d'ailleurs à un officier du début de la Troisième République. On disait qu'il était très brillant, qu'il boitait un peu. Il boite un peu et quelqu'un qui avait reproduit cette fiche avait oublié de mettre le E et boit un peu. Et à la fin de sa carrière, il était considéré comme un ivrogne invétéré et il ne comprenait pas pourquoi il ne montait pas en grade. Je ne sais pas si ce type de glissement a eu lieu dans vos dossiers de préfet. Non, je n'en ai pas vu. Par contre, des gens qui boitent, j'en ai rencontré et leur carrière en a été entravée. Ce qui vous montre l'importance qui est accordée au fait de bien représenter, entre guillemets, et donc bien représenter, c'est avoir cette allure énergique, sans aucun défaut, qui peut renvoyer donc à l'énergie et la bienveillance de l'État. Et certains, dans certaines notations, on voit très bien que le supérieur hiérarchique écrit « Monsieur un tel est très compétent, mais il boite un peu et donc doit rester plutôt conseiller de préfecture ou secrétaire général, car il n'arrivera pas à représenter en tant que sous-préfet ou préfet. » Il y a un outil important de l'autorité qui le symbolise, c'est évidemment le costume préfectoral. Il y a une grande variation de ce costume du Second Empire à la Troisième République, mais il demeure, il perdure aujourd'hui. Écoutez la manière dont Marcel Diebold, qui était préfet de Paris, interviewé par Jacques Chancel dans Radioscopie sur France Inter le 5 janvier 1971, parle de ce costume. Monsieur le préfet, vous portez, comme tous vos collègues, un bel uniforme. Oui. Mais est-ce qu'il vous plaît, cet uniforme ? Nous le mettons le moins souvent possible. L'uniforme, nous n'y tenons pas tellement. Vous n'allez pas me dire qu'il fait démodé, quand même ? Non, au contraire, on l'a même, depuis quelques années, amélioré, puisqu'il y a un peu moins de dorures, un peu moins de clinquants. On est obligé de le mettre dans certaines cérémonies, où protocolairement, il est prévu qu'on mette l'uniforme, et j'ajouterai que, notamment en province, il arrive, lorsque nous allons inaugurer une école, ou une piscine, ou quelque chose, que le maire lui-même nous dise « Vous viendrez en uniforme, parce que ça fait mieux dans le tableau. On voit mieux que le préfet, là, etc. Oui. » Donc, en définitive, nous le mettons, mais ça ne nous passionne pas. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors, c'est important, cet uniforme ? Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est l'espèce de distance que le préfet affiche par rapport à son uniforme. Je pense que là, c'est une évolution des temps. C'est très 20e siècle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai observé dans l'ouvrage en lisant des mémoires de préfets du 20e siècle et en lisant des bulletins de l'association du corps préfectoral. Sinon, cet uniforme commence à peser un petit peu, à sembler un peu trop prestigieux. Et ça n'était pas le cas au 19e siècle. Je pense que ce désir d'uniforme était beaucoup plus grand, à tel point que les préfets et les sous-préfets étaient troublés à certains moments du siècle lorsqu'on ne savait plus très bien s'il fallait porter l'uniforme ou pas, dans des moments de transition politique, notamment dans les années 1870. Un préfet explique qu'il n'a pas reçu d'indication sur la manière dont il devait sortir en conseil de révision, donc il est sorti simplement avec l'écharpe tricolore et il estime que les populations en ont été péniblement impressionnées. Là, on est juste après la chute de l'Empire. Exactement. Du Second Empire. Voilà. Et donc ce préfet se plaint en expliquant que certains de ses collègues, en fait, ont continué comme avant en portant leur uniforme et qu'ils ont été mieux reçus par les populations. Alors, est-ce que les populations là servent de prétexte pour pouvoir maintenir cet attachement plus personnel, plus individuel à un uniforme? On ne le saura finalement jamais. Quoique ce que dit le préfet de votre extrait radiophonique est intéressant, ce sont les maires qui apparemment lui demandent de porter l'uniforme, mais on voit sans arrêt cette demande de prestige par l'uniforme, et notamment un des grands moments qui peut sembler simplement pittoresque, mais qui est très important pour les préfets, c'est l'obtention de la plume blanche sur le chapeau, sur le bicorne. Quand est-ce, hein ? En 1907. Pourquoi la plume blanche ? Parce que les officiers généraux de l'armée avaient la plume blanche. Et donc, dans des cérémonies, les préfets se sentaient écrasés avec leur plume noire par rapport à la plume blanche des généraux. Et donc, ont voulu montrer, surtout dans un régime républicain, où le civil l'emporte sur le militaire, à un moment où le protocole, justement, a validé l'idée que l'administration civile était plus importante protocolairement que l'administration militaire, il a fallu obtenir à ce moment-là cette plume blanche. Que les armes cèdent à la toge. Exactement. Et donc, ils l'ont obtenue en octobre 1907 et en ont été très heureux à ce moment-là. Donc, ces questions symboliques sont des questions très importantes de construction de l'identité d'une profession, d'un corps. Au départ, l'injonction vient de l'institution pour produire de l'autorité, mais les agents eux-mêmes, ils sont attachés. Et puis, il y a une sorte de modernisation générale qui fait que ce costume est considéré de plus en plus comme un peu ridicule. Non, vous croyez ridicule, c'est vous qui le dites aujourd'hui. Non, les préfets continuent de porter volontiers l'uniforme. Pas la grande tenue. Plus simple, oui, sans plume. Oui, sans plume, oui, c'est sûr. Mais quand ils reçoivent un ministre, ils... Oui, bien sûr. Oui, bien, cet uniforme continue d'être un langage symbolique très important. Dans cette mission qui est celle de lubrifier les rapports sociaux, d'apaiser les tensions qui sont au cœur même de la démocratie, il y a un événement auquel Pierre Carilla Cohen, vous attachez de l'importance et on vous suit volontiers, c'est le bal de la préfecture, le préfet amphitryon. Pourquoi avez-vous donné tant d'importance à cet événement ? Parce qu'il en a, tout simplement. Parce que vous voyez dans les feuilles de notation des sous-préfets que les sous-préfets et leurs épouses sont attendus dans l'organisation de ces réceptions. Vous voyez dans les mémoires des préfets que ces questions sont importantes. Vous voyez dans la presse locale que c'est un événement absolument considérable. Vous voyez dans les mémoires de certains habitants de petites villes de province ou de chefs-lieux de préfecture que c'est un événement attendu. J'ai beaucoup utilisé notamment les mémoires d'un conservateur des bibliothèques de Besançon, Charles Weiss, et qui tient très minutieusement un journal sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, et on voit très bien que le préfet est attendu sur la fréquence et la qualité des bals qu'il donne. Il y a plusieurs fonctions dans ce bal, si vous voulez. Il y a ce qu'en attend le régime, le gouvernement, l'État, c'est-à-dire d'essayer de rallier la société locale autour du régime et d'apaiser les tensions qui avaient pu exister à des périodes antérieures. C'est très net, notamment sous la Restauration. Il y a des magnifiques passages dans des mémoires de préfets où certains préfets essayent d'inviter ensemble des légitimistes et des libéraux. Ça ne marche pas toujours, à vrai dire, mais on se croirait vraiment dans des pages de Balzac où vous voyez des légitimistes qui des femmes de la haute société légitimiste qui se mettent d'un côté de la salle et les femmes et les hommes du commerce qui sont plus libéraux qui sont eux d'un autre côté. Là, la préfète est également scrutée dans les rapports venus de l'administration centrale. Oui. C'est fait partie pendant très longtemps du devoir d'un préfet d'avoir une épouse qui sache les pratiques du monde et qui, d'une certaine façon, transpose en province ce que Paris propose comme règle de vie, comme règle sociale de la société. Ça, c'est l'objectif que peut-être s'assigne la préfète elle-même parfois. Mais le plus important, effectivement, c'est de voir comment le couple préfectoral est considéré comme une sorte d'équipe. Évidemment, pas du tout de manière égalitaire. On est au 19e siècle. Cela est devenu très désuet, non ? Ah oui, bien sûr. Oui. La chose la plus importante, c'est que désormais, des femmes elles-mêmes sont préfètes. Oui, lorsqu'on parle de préfète au 19e siècle, on parle de l'épouse du préfet. Actuellement, lorsqu'on parle de préfète, on parle de femmes qui exercent la fonction de préfète. Heureuse féminisation des mots et des fonctions. C'est certain. Mais certaines de ces préfètes qui sont scrutées, même dans les feuilles de notation, là, sur la première page, il y a toute une description de la famille de la préfète ou de la sous-préfète, sa fortune. Certaines d'entre elles ont vraiment une action très importante qui accompagne celle du préfet dans cette volonté d'apaisement. Et notamment, l'une de mes préférées, c'est Madame de Rémusat, qui, au début du 19e siècle, est l'épouse d'un préfet, Laurent de Rémusat. Ils sont nommés, vous voyez lapsus, mais il est nommé à Toulouse, alors que les légitimistes sont très puissants. Et donc, l'un et l'autre veulent apaiser les esprits, lui en désarmant les milices royalistes, elle en organisant des bals. Y a-t-il eu une vraie permanence, peut-être encore au milieu du XXe siècle ? Écoutez ce reportage, il est télévisé, mais le propos est tout à fait explicite. Ce reportage de Bernard Frangin au bal de la préfecture à Lyon, c'est un extrait du journal télévisé de la première chaîne, le 15 mai 1965. Le préfet est Monsieur Ricard. Le bal de la préfecture, organisé au profit des œuvres sociales de la Croix-Rouge, de la préfecture et du personnel de la police, était cette année placé sous le signe de Napoléon III. Monsieur le préfet de région et Madame Ricard accueillirent quelques 800 invités, dont le maire de Lyon, les députés Charret, Caille et Coustet, le général Vézinet, gouverneur militaire de Lyon, Monsieur Perrier, président de la foire, Monsieur le recteur Louis, le corps consulaire, la magistrature, la presse, etc. Un dîner à la lyonnaise fut servi sur des airs anciens joués par un quatuor et le gracieux cortège des débutantes allait, après les serveurs, faire son entrée, tirant derrière lui par de fines cordelettes une gigantesque pièce montée de 2 mètres de haut qui fut rapidement coupée en 800 morceaux. L'orchestre de Bruno Joselli entraîna ensuite fort tard, sous les mille feux des lustres monumentaux, les couples des valseurs. Monsieur Ricard avait ouvert le bal. Seul anachronisme dans cette nuit rajeunie d'un siècle, à la porte, les calèches étaient toutes attelées de chevaux fiscaux. Puisque Pierre Carilla Cohen, nous évoquons l'image du préfet d'un siècle à l'autre, il faut parler de sa place dans la littérature, le théâtre, le roman. Vous avez lu une quantité d'ouvrages dont la qualité littéraire n'est pas évidente, mais dont la portée historique est grande. Oui, j'ai souvent pensé à Marc Bloch qui expliquait que l'ogre historien avait besoin de viande et s'intéressait peu à la qualité de cette viande. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir ce qu'on pouvait en tirer pour restituer les réalités d'une époque. Donc j'ai lu vraiment des ouvrages, des pièces de théâtre d'une qualité littéraire assez faible. Un grand nom s'intitule Monsieur le Préfet, avec des déclinaisons différentes. Oui, notamment entre 1880 et 1914, c'est un grand moment de production. Une vingtaine, une trentaine de romans, de pièces de théâtre, Monsieur le Préfet ou La Préfète, qui est souvent mise en avant, justement. Alors, très souvent, ces romans sont des romans conservateurs ou réactionnaires qui se moquent des préfets républicains sous l'angle social et sociologique. Ils n'ont pas de manière. Voilà, ils n'ont pas de manière. La préfète nouvelle manière, la préfète républicaine, elle a des petits doigts boudinés, elle ne sait pas recevoir au bal, elle est d'une grande vulgarité. Donc c'est un thème... on va dire d'amusement dans ses romans, mais aussi de critiques politiques venues de gens qui n'acceptent pas la démocratisation du corps préfectoral dans tous les sens du terme. Et donc un renouvellement de la sociologie qui fait que ces préfets de la Troisième République sont beaucoup moins souvent des aristocrates ou de très grands bourgeois et des gens qui viennent de sphères sociales un peu moins hautes. Ils ne sont plus obligés, comme précédemment, de... pour voir par leurs propres deniers à ces bals magnifiques que nous évoquions il y a un instant. Mais il n'y a pas que la littérature médiocre, on trouve aussi dans Balzac ou dans Stendhal, par exemple. Dans Stendhal, des évocations de préfets. Lucien Leven, quand il arrive à Nancy, croise le jeune préfet qui s'appelle Fléron. Et voici le texte. Après 10 minutes, Lucien vit s'avancer gravement un jeune homme de 4 pieds et demi de haut qui avait l'air à la fois timide et pédant. Il semblait porter avec respect une belle chevelure tellement blonde qu'elle en était sans couleur. Ses cheveux, d'une finesse extrême et tenus beaucoup trop longs, étaient partagés au sommet du front par une raie de chair parfaitement tracée et que divisait le front du porteur en 2 parties égales à l'allemande. À l'aspect de cette figure marchant par ressort et qui prétendait à la fois à la grâce et à la majesté, la colère de Lucien disparut. Une envie de rire folle la remplaça, et sa grande affaire fut de ne pas éclater. Cette tête de préfet, se dit-il, est une copie des figures du Christ de Cranach. Voilà donc un de ces terribles préfets, c'est toujours Lucien Leven qui le pense, voilà donc un de ces terribles préfets contre lesquels les journaux libéraux déclament tous les matins. Fin de citation. Oui, c'est très cruel et très bien troussé. Ça correspond à un ensemble d'images. Alors évidemment, là, avec la qualité littéraire à la plume de Stendhal, mais un ensemble d'images qui sont très répandues. On parlait tout à l'heure du physique de l'emploi. C'est encore par le physique, par son physique, que le préfet est croqué, critiqué dans une charge qui retourne d'une certaine manière ce que doit être l'apparition préfectorale. L'apparition préfectorale, normalement, justement, avec l'uniforme, avec un certain comportement corporel, cette apparition est censée produire de l'autorité. Là, on a exactement l'inverse qui se passe dans cette France juste milieu que critique Stendhal dans tout le roman. Il y a d'autres préfets, d'ailleurs, dans le roman Lucien Levenne, qui ne sont pas plus considérables ou plus impressionnants que Flairon. Il en rencontre un dans le Cher qui mange une omelette en pyjama, en robe de chambre. Puis il croise un autre homme, Serranville, je ne sais plus où, dans quel département, qui, écrit-il, a les jambes les plus grêles de tout le département. Enfin, à chaque fois, il les croque d'une manière vraiment ridicule. Il y a un contraste entre ces philippiques, ou ces ironies dirigées contre les préfets, et la figure qui reste assez héroïque d'un certain nombre de grands noms. Je pense par exemple à Haussmann, je pense à Cambon, je pense à Poubelle, et puis plus tard à Moulin ou Erignac, le martyr en Corse, ou Lépine. Lépine qui est à un moment donné une figure qui incarne vraiment, aux yeux des Français et des Parisiens en particulier, ce que peut être un grand préfet, un préfet de police. Oui, effectivement, la littérature est à la fois très instructive et cache une grande partie de la réalité de la relation entre les Français et leurs préfets. Lépine a inventé beaucoup de choses nouvelles du côté de l'ordre public, pas seulement le fameux concours des inventaires. Et il est très proche de son public, il allait sur place, il prenait des risques, etc. Oui, alors cette proximité, elle est, c'est une des lignes directrices du métier que Lépine a su porter assez haut, mais elle est plus significative encore dans les départements en province. Notamment, j'ai étudié le cas d'un certain Eugène Janvier, qui était préfet sous le Second Empire, et qui, au moment de sa destitution en 1868, a provoqué une manifestation de 20 000 personnes à Évreux, qui voulait l'empêcher de prendre le train, un peu comme la manifestation de la gare de Lyon pour empêcher Boulanger de partir. Donc cette popularité, cet attachement pouvait exister. Alors Janvier avait des méthodes suffisamment clientélistes pour être vraiment populaire, mais d'autres avaient un comportement plus droit et étaient malgré tout très populaires. Alors on serait étonné que nous terminions notre conversation consacrée au préfet de jadis, de naguère, en rapprochement avec aujourd'hui, si je ne vous donnais pas à entendre une partie au moins du fameux conte, très fameux conte d'Alphonse Daudet, qui s'appelle « Le sous-préfet au champ », qui remonte à 1866, à la fin du Second Empire, et où se mêle quelque chose comme une ironie et un attendrissement. Monsieur le sous-préfet est en tournée. Coché devant, laquais derrière, la calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours régional de la combe aux fées. Pour cette journée mémorable, monsieur le sous-préfet a mis son bel habit brodé, son petit claque, sa culotte collante à bandes d'argent et son épée de gala à poignée de nacre. Sur ses genoux repose une grande serviette en chagrin gaufré qu'il regarde tristement. Monsieur le sous-préfet regarde tristement sa serviette en chagrin gaufré. Il songe au fameux discours qu'il va falloir prononcer tout à l'heure devant les habitants de la combe aux fées. Messieurs et chers administrés. Mais il a beau tortiller la soie blonde de ses favoris et répéter 20 fois de suite, messieurs et chers administrés, la suite du discours ne vient pas. La suite du discours ne vient pas. Il fait si chaud dans cette calèche. À perte de vue, la route de la combe aux fées proudroie sous le soleil du midi, l'air est embrasé, et sur les ormeaux du bord du chemin, tout couverts de poussière blanche, des milliers de cigales se répondent d'un arbre à l'autre. Tout à coup, monsieur le sous-préfet tressaille. Là-bas, au pied d'un coteau, il vient d'apercevoir un petit bois de chêne vert qui semble lui faire signe. Le petit bois de chêne vert semble lui faire signe. Venez donc par ici, monsieur le sous-préfet, pour composer votre discours. Vous serez beaucoup mieux sous mes arbres. Monsieur le sous-préfet est séduit. Il saute à bas de sa calèche et dit à ses gens de l'attendre qu'il va composer son discours dans le petit bois de chêne vert. Quand ils ont aperçu monsieur le sous-préfet avec sa belle culotte et sa serviette en chagrin gaufré, les oiseaux ont eu peur et se sont arrêtés de chanter. Monsieur le sous-préfet, ravi du silence et de la fraîcheur du bois, s'assied dans la mousse au pied d'un jeune chêne, puis il ouvre sur ses genoux sa grande serviette de chagrin gaufré et en tire une large feuille de papier ministre. « C'est un artiste, » dit la fauvette. « Non, » dit le bouvreuil, « c'est plutôt un prince. » « Ni un artiste ni un prince, » interrompt un vieux rossignol qui a chanté toute une saison dans les jardins de la sous-préfecture. « Je sais ce que c'est. C'est un sous-préfet. »« Est-ce que c'est méchant ?» demandent les violettes. Le vieux rossignol répond « Pas du tout. » Et sur cette assurance, les oiseaux se remettent à chanter, les sources à courir, les violettes à embaumer, comme si le monsieur n'était pas là. Impassible, au milieu de tout ce joli tapage, monsieur le sous-préfet invoque dans son cœur la muse des comices agricoles et le crayon levé commence à déclamer de sa voix de cérémonie « Messieurs et chers administrés !»« Messieurs et chers administrés !» dit le sous-préfet de sa voix de cérémonie. Mais alors, voilà les petites violettes qui lui disent doucement « Monsieur le sous-préfet, sentez-vous comme nous sentons bon ?» Et dans les branches, au-dessus de sa tête, des tas de fauvettes viennent lui chanter leurs plus jolis airs. Monsieur le sous-préfet, grisé de parfums, ivre de musique, essaye vainement de résister au nouveau charme qui l'envahit. Il s'accoude sur l'herbe, dégrafe son bel habit, balbutie encore deux ou trois fois « Messieurs et chers administrés, messieurs et chers admis, messieurs et chers... » Puis il envoie les administrés au diable et la muse des comices agricoles n'a plus qu'à se voiler la face. Lorsqu'au bout d'une heure, les gens de la sous-préfecture inquiets de leur maître sont entrés dans le petit bois, monsieur le sous-préfet était couché sur le ventre, dans l'herbe, débraillé comme un bohème. Il avait mis son habit bas et tout en mâchonnant des violettes, monsieur le sous-préfet faisait des vers. Cette lecture du sous-préfet au champ, la fameuse nouvelle d'Alphonse Daudet de 1866, nous la devons à Jean Negroni. C'est une émission de la RTF du 8 mai 1959. Je vous voyais avec plaisir, Pierre Carré-Lacoën, un peu attendri, comme beaucoup d'autres lecteurs l'ont été dans le passé, le texte d'Alphonse Daudet, le sous-préfet au champ. Plus qu'attendri, vraiment intéressé, parce que dans cette brève balade, il y a vraiment toute la force de ce que peut faire la littérature, dans la déconstruction d'un rôle préfectoral qui est construit patiemment tout au long du siècle par l'institution. Le préfet finalement enlève son uniforme et donc se dépouille de l'autorité qui lui était conférée par l'uniforme. Et ce qui est le plus intéressant peut-être encore, c'est qu'il est séduit par le petit bois. Et ça, c'est l'inversion même de son rôle qui est de séduire les administrés par le discours qu'il n'arrive pas à écrire. Nous allons terminer sur notre actualité, comme nous avons commencé, la suppression du corps des préfets. Est-ce qu'il vous paraît marquer, dans la longue durée, un vrai affaiblissement de leur autorité? Il y a déjà eu les lois de décentralisation, bien sûr, les lois de fer, notamment, qui ont privé les préfets d'une partie de leurs prérogatives, du point de vue budgétaire en particulier, dans l'équilibre entre eux et les conseils régionaux et conseils départementaux, conseils généraux, naguère. La loi de décentralisation est une très grande date, de ce point de vue, dans l'histoire préfectorale. Je ne sais pas si cette nouvelle réforme le sera également et dans quel sens. L'avenir le dira. Les préfets, en tout cas, sont inquiets. Mais cette professionnalisation qui a été acquise au cours du temps, je pense, restera une ressource qu'utilisera le pouvoir. De toute façon, est-ce qu'on nommera n'importe qui préfet à n'importe quel moment? Je ne sais pas. On verra bien. J'espère que non. On revient aux périodes du 19e siècle où on nommait des préfets venus d'activités très diverses et souvent des parlementaires d'ailleurs. Ces choses-là existent. En tout cas, actuellement, parmi les sous-préfets, beaucoup viennent d'autres administrations et se se forme sur le terrain. La question est celle des préfets, mais là, c'est ce que je voudrais dire, c'est plutôt dans la longue durée que il y a eu effectivement une forme d'effacement de l'importance sociale du préfet dans le département et du sous-préfet dans l'arrondissement. Au XIXe siècle, c'était une figure absolument centrale dont on se moquait beaucoup, qu'on critiquait beaucoup. On s'en moquait d'autant plus qu'ils avaient un plus grand pouvoir. Voilà. Actuellement, je ne pense pas que beaucoup d'écrivains consacreraient leur temps à écrire un roman sur tel ou tel préfet ou une pièce de théâtre, un vaudeville sur les préfets. Enfin, sait-on jamais. Il faut dire que néanmoins, les préfets gardent une grande importance en dépit de cette évolution, côté de l'ordre public, l'agrément des associations, l'organisation des élections, l'accueil des étrangers, etc. Bien sûr, oui, c'est une fonction absolument fondamentale dans l'État en général. Donc, les préfets ont un grand avenir. C'est le moment de leur dire pour compenser un peu leur inquiétude immédiate. Merci beaucoup. Merci Pierre Carilla Cohen. Votre livre s'appelle « Monsieur le préfet ». Incarner l'État dans la France du 19e siècle, aux éditions Champ Vallon, tout récemment paru. Je voudrais signaler aussi que vous avez publié, il y a maintenant 13 ans, un livre qui annonçait celui-ci, L'État des esprits, l'invention de l'enquête politique en France, 1814-1848. On se situe toujours dans cette problématique de l'image de, comment on comprend, comment on regarde les autres, et en particulier les préfets. Là, c'est dans l'autre sens. Ce sont les enquêtes que les préfets devaient réaliser pour expliquer l'opinion départementale, pour essayer de la décrire et puis d'en comprendre les causes. Et donc, cette relation à l'opinion, elle va dans les deux sens. Je précise que vous allez présider le département d'histoire préfectorale au sein de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Donc, on sera très attentif à vos écrits futurs. Je vous remercie. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons du 19e siècle encore, mais sous un angle différent, la haine. La haine comme ressort puissant. Les préfets en ont suscité parfois, mais la haine a beaucoup dépassé et de loin leur personne. Je recevrai pour cela Frédéric Chauveau. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine aux compagnons de la libération. Amis, entends-tu ? Monsieur le préfet n'a plus ses 20 ans, mais il garde un je ne sais quoi très charmant. Chapeau 8 reflets, monocle et gants blancs, c'est tout le portrait de l'homme 1900. Dans son cabinet, place du vieux temps, tout est rangé méticuleusement. Monsieur le préfet, seul et sagement, songe que naguère il fut un grand amant. Eh bien, tout en entendant la chanson « Monsieur le préfet » par Nicole Chanly, une chanson de 1958, vous vérifierez que vous venez d'entendre l'émission « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéraud, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Yann Fressy à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et, pour les archives de l'INA, Hervé Evano. Et non sans regret, cela se comprend, le regard perdu dans son lointain roman. Monsieur le préfet, qui n'a plus 20 ans, retrouve en pensée son grand bonheur d'antan. Et dans quelques instants, le relais est passé à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères. En cabriolet, une blonde enfant, pas du tout mondaine, offrait aux passants d'humbles fleurs des champs. Quatre jours après, voyez son ardeur, suivi d'un cocher et de 3 serviteurs. Monsieur le préfet, tremblant de bonheur, va prier la belle d'accepter son cœur. Carrosse et laquais, luxueux atour, lui 15 filles moins pour la Pompadour. Puis dans un palais, gardé nuit et jour, monsieur le préfet enferma ses amours. Mais la bouquetière, d'être prisonnière, sentit se flétrir son joli teint. Et comme une rose, mourant d'être enclose, elle eut hélas le même destin. monsieur le préfet n'a plus ses 20 ans, mais il garde un je ne sais quoi très charmant. Chapeau vireflet, monocle et gants blancs, c'est tout le portrait de l'homme 1900. Dans son cabinet, place du vieux temps, tout est rangé méticuleusement. Monsieur le préfet remet doucement le joli portrait dans le coffret d'argent.